Deuxième partie, chapitre 6, la menthe. En quittant le cabinet de son père, Adrienne était rentrée dans son appartement. La surexcitation nerveuse qui l'avait jusque-là soutenue s'évanouit d'un seul coup dès qu'elle se retrouva seule. Elle s'abattit sur une chaise longue qui lui servait de lit de repos et des sanglots convulsifs vinrent déchirer sa gorge. Un peu de calme descendit enfin sur ce cœur agité. Et comme Jean avait songé à elle, Adrienne eut la pensée toute remplie de Jean pendant les heures qui suivirent. Mais aucune hésitation ne la troublait, elle. La situation lui apparaissait très claire et très simple. Comme les natures féminines douées d'ardeur et d'énergie, elle allait droit au but, sans se soucier des obstacles. Elle adorait Jean. Et Jean n'avait jamais cessé de l'aimer. Ils étaient sûrs l'un de l'autre. Séparés par l'infâme subterfuge de Bonheur, ils s'étaient gardés, dans la même foi, dans les mêmes souffrances, une fidélité à toute épreuve. La seule solution logique, possible, était dès lors leur union prochaine. Le divorce d'abord, puis le mariage avec Jean Robin, c'était la voie toute tracée. Elle écrivit deux courtes lettres, l'une au comte, l'autre à son père. Et, par une hardiesse qui amena un pâle sourire sur ses lèvres décolorées, elle les signa « Adrienne Bonheur », de son nom de jeune fille, affirmant ainsi son immuable résolution de renoncer à son titre de comtesse et de tenir son mariage pour nul, non avenu. Elle y annonçait qu'elle quitterait dès le lendemain la maison de son mari pour aller vivre auprès d'une de ses tantes, jusqu'à ce que les tribunaux eussent statué sur sa demande en divorce, basée sur cette sorte d'escroquerie morale qu'avait commise le banquier. Apaisée, elle s'abandonna dès lors à l'ivresse d'aimer, de se savoir aimer, de penser que, bientôt, ils seraient unis à jamais. Vive et légère, elle courait dans son appartement, fouillait ses tiroirs, mettant de côté les menus bijoux auxquels elle tenait, et laissant de côté les rares objets qui avaient échappé à la vente faite pour sauver Roger et que le comte lui avait offert, avec l'argent de sa propre dot d'ailleurs. Elle trouvait à ses préparatifs un plaisir d'enfant. Il lui semblait qu'elle redevenait jeune fille et qu'elle s'apprêtait pour quelqu'un de ces voyages qu'elle faisait autrefois. Et déjà, c'était des projets qui surgissaient dans son imagination enfiévrée. Aussitôt après le mariage, il quitterait ce Paris où elle avait tant pleuré. Il s'en irait bien loin, en Italie peut-être, ou mieux, en cette Amérique où son genre avait accompli des prodiges. Ils habiteraient l'une des villes qu'il avait bâties de toutes pièces, qu'il avait fait sortir des pampas désertes, comme par un coup de baguette magique. Et la tentation lui venait aussi de s'échapper, de courir visiter cet hôtel des Champs-Élysées dont elle avait entendu célébrer les merveilles. Oh, elle irait, c'était sûr. D'abord, elle l'avait promis à Jean. Il fallait bien qu'ils eussent une explication pour convenir de leurs faits et gestes jusqu'au jour béni, heureux entre tous, où elle lui appartiendrait pour la vie, sans crainte, sans regret du passé, sur lequel on jetterait les voiles de l'oubli. Le jour s'écoula comme un éclair, et Adrienne fut toute surprise quand elle vit entrer le valet qui apportait les lampes. Alors elle devint plus grave. Une sourde impatience la rongeait d'être au lendemain, de connaître les résolutions qu'auraient prises le comte et son père. Les heures tombèrent, plus lentes, dans le silence, et son unique consolation était de se murmurer « Que fait-il maintenant? Il pense à moi ?» Son cœur vient vers moi comme le mien va vers lui. Il est seul. Il me crie qu'il m'aime. Oh Jean, moi aussi je t'aime, je suis à toi, va. 11 heures sonnèrent à la pendule. Adrienne se trouvait alors dans un petit boudoir attenant au salon. Avec un soupir, elle se préparait à gagner sa chambre à coucher lorsqu'elle demeura clouée sur place. Horrifiée, le comte de Charmeuse venait d'entrer. Il la salua avec aisance et prononça dans un sourire « Excusez-moi de ne m'être pas fait annoncer, vous ne m'eussiez pas reçu, et pour la première fois, pour la dernière peut-être, je tenais à profiter des droits que me confère la loi de pénétrer à toute heure chez ma femme. Oh, rassurez-vous d'ailleurs, je ne viens pas vous faire une déclaration d'amour. » Il ajouta entre ses dents « D'autres se chargent mieux que moi de ce soin. » Elle n'était pas revenue encore de la stupeur mêlée d'effroi qu'il avait saisie à son abord. Il reprit, en prenant un siège, « Nous avions à causer, ce me semble, notre entretien de tantôt a été, comment dirais-je bien, un peu vif, mettons, un peu fou. Il est bon que nous reprenions sur un mode plus sage. » Elle demeura debout, comme pour bien indiquer que l'audience serait brève et que sa conduite à lui devenait infâme. « Qu'avez-vous à me dire, monsieur ? » fit-elle d'une voix qu'un commencement de colère faisait trembler. « Vous connaissez l'abominable piège que m'a tendu monsieur Bonnaire. Vous savez mes intentions. Que vous faut-il de plus ?»« C'est justement au sujet de ces intentions que j'ai à vous parler sérieusement, » dit le comte en gardant son air de visiteur aimable. Elles sont inébranlables, monsieur. Au surplus, je vous les ai confirmées dans la lettre que vous voyez là, sur ce guéridon, et qui vous est destinée. Le comte prit la lettre. « Vous permettez ? » demanda-t-il. Elle fit un hautain signe de tête. Il déchira l'enveloppe, lut, attentivement, et plaça la lettre dans sa poche sans se presser. « Voilà qui est catégorique, au moins. Vous me prévenez que vous allez déserter le domicile conjugal, que vous allez introduire une instance en divorce, tout cela est charmant, mais me sera-t-il permis de vous demander ce que vous comptez faire une fois le divorce obtenu ? Ma question vous surprend. Eh bien, je dois vous l'avouer, je ne suis venue que pour satisfaire ce point de curiosité. » Elle eut un geste de suprême dédain. « Je vois que je vous avais bien jugé, monsieur le comte, » fit-elle d'une voix cinglante. « Oh, vous pouvez dire tout votre pensée. Vous estimez que ma question est digne d'un goujat. Vous m'épargnez même la peine de le dire. Heureux de vous avoir deviné, madame la comtesse. Mais si indigne d'un galant homme que vous paraisse ma question, je la pose. Et vous allez voir qu'elle m'est inspirée par le véritable intérêt que je vous porte. » Le ton de cruelle ironie qui accompagna ces mots était si frappant qu'Adrienne tressaillit. Elle eut un frémissement de terreur. Un malheur planait dans l'air. « Je vais vous dire, » reprit le comte avec le même flegme imperturbable, « une fois le divorce obtenu, vous voulez épouser monsieur Jean Robin. Eh bien, ce mariage sera impossible. » Elle se redressa, angoissée, mais courageuse, voulant faire tête à l'orage. « Impossible ! » fit-elle en éclatant d'un rire nerveux. « Et qui le rendra impossible ? » ?»« Moi ? Moi ou mon cadavre ?»« Que voulez-vous dire ? » balbutia-t-elle, agonisante, prise d'un effroyable pressentiment. Le comte se leva, se recueillit, comme pour mieux frapper son coup, et lentement, du même ton de politesse qui la glaçait, il dit « Simplement ceci, que d'ici 48 heures, monsieur Jean Robin m'aura tué, ou j'aurai tué monsieur Jean Robin. Dans les deux cas, misérable !» clama-t-elle en bondissant. « Vous voulez le provoquer ?» « C'est fait, madame. La provocation a été faite, et bien faite, tout à l'heure, devant 200 personnes. Il est impossible à monsieur Robin d'éviter le duel. » L'infortunée chancela, battit l'air de ses bras comme si elle allait tomber, mais elle se raidit, dans une volonté suprême de ses nerfs tendus à se briser, enraya l'évanouissement. Lui, calme et ironique, sans un geste pour la soutenir, sans une lueur de pitié dans son œil bleu, la regardait, jouissait profondément de ce triomphe. Les amants jetaient d'un mot aux affres d'une éternelle séparation, l'effondrement de leurs rêves, la vision paradisiaque recouverte d'un suaire taché de sang. Elle râla, avec le calme noir des détresses irréparables. Savez-vous que vous êtes un lâche, comte de Charmeuse ? Savez-vous que le dernier de vos domestiques a plus de noblesse sous sa livrée que vous n'en avez sous votre plastron de viveur ? Quelle bouche charrie donc le sang de vos veines, dites. Dans quelles ignominies furent ramassés les parchemins qui vous affublent d'un titre comme d'un masque turpide. Il eut un léger frémissement de ses lèvres blanches de colère. « Comme vous me haïssez, » prononça-t-il doucement, « mais sachez-le, madame, votre haine, c'est ma joie, mon trésor, car elle me permet de vous éclabousser du sang de l'une de vos victimes, Jean Robin ou moi, à votre choix. Comme vous cherchez à vous hausser dans votre propre estime, » riposta-t-elle avec un sourire aigu, « vous parlez de haine, allons donc, monsieur. » Mon regard passe au-dessus de votre tête de poupée boulevardière, de la haine, contre vous. Dites, du mépris, oh, mais un mépris qui submergerait mon âme du dégoût que vous m'inspirez, si le souffle pur et ardent de mon amour ne venait la rafraîchir. Plus vous l'aimez, plus ma satisfaction est complète à vous séparer. Elle ne répondit pas. Ses forces s'épuisaient. Elle ne tenait debout que par l'indomptable énergie de son orgueil de femme, mais elle sentait qu'au premier mot maintenant, elle éclaterait en sanglots, et elle ne voulait pas lui donner ce dernier plaisir de l'avoir pleuré. Vaincue, elle gardait la sublime pudeur de la défaite. Seule, oh, être seule, débarrassée de l'odieuse présence du mari, du maître, du misérable qui tenait dans ses mains sa destinée et celle de son Jean. Elle étendit le bras vers la porte, violemment. Il s'inclina, railleur, et murmura « Vous me renvoyez, comme un amoureux transi. » Elle sursauta. Son verbe se fit âpre et siffla, pareil à un cinglement de cravache. « Je vous chasse, comme un laquais. » Le comte sortit, lent et raide. En mettant la main sur le bouton de la porte, il se retourna comme pour jeter un dernier défi, peut-être une insulte. Mais il la vit si pâle, si frémissante et si imposante aussi, que ses lèvres demeurèrent muettes. Il courba le dos, disparut, s'évanouit sans bruit. Ce que fut cette nuit pour Adrienne, quelles angoisses vinrent la torturer, quelles larmes tracèrent leur amer sillon sur ses joues enfiévrées, notre plume se refuse à l'écrire. Il est des douleurs qui défient toute description et sur lesquelles il faut jeter les voiles de la sainte pitié. Le soleil levant la trouva debout dans ce boudoir où elle venait de subir l'épouvantable supplice. La triste matinée de ce jour gris et terne s'avançait. Adrienne ne pleurait plus maintenant. Toute sa pensée se tendait vers un but unique, empêcher à tout prix le duel de Jean avec le comte, de l'amant avec le mari. Et si elle ne trouvait pas, s'il était résolu à se battre, mourir avec lui. Elle parut prendre enfin une résolution, épongea à la hâte son front brûlant, s'habilla et sortit. Au premier bureau de poste qu'elle rencontra, elle rédigea une dépêche ainsi conçue. « Venez immédiatement avec ma fille, venez sans perdre un instant. » La dépêche était adressée à Valentine. Oui, Adrienne avait eu cette pensée d'ineffable douceur au fond de laquelle germait peut-être une confuse espérance de montrer à Jean Robin son enfant avant qu'il ne courût au-devant de la mort.